Vous remarquerez, messieurs, dit l'hôtesse, que depuis le commencement de cette aventure jusqu'à ce moment, le marquis des Arcis n'avait pas dit un mot qui ne fût un coup de poignard dirigé au cœur de madame de la Pommeraye. Elle étouffait d'indignation et de rage. Aussi, répondit-elle au marquis, d'une voix tremblante et entrecoupée, « Mais vous avez raison. Ah, si j'avais été aimé comme cela, peut-être que... Passons là-dessus. Ce n'est pas pour vous que j'agirai, mais je me flatte du moins, monsieur le marquis, que vous me donnerez du temps. Le moins que je pourrai. » Jacques, « Ah, notre hôtesse, quel diable de femme! L'enfer n'est pas pire, j'en tremble. Il faut que je boive un coup pour me rassurer. Est-ce que vous me laisserez boire tout seul ?» L'hôtesse, « Moi, je n'ai pas peur. » Madame de la Pommeraye disait, « Je souffre, mais je ne souffre pas seul. Cruel homme! J'ignore quelle sera la durée de mon tourment, mais j'éterniserai le sien. » Elle tint le marquis près d'un mois, dans l'attente de l'entrevue qu'elle avait promise, c'est-à-dire qu'elle lui laissa tout le temps de pâtir, de subir d'enivré, et que, sous prétexte d'adoucir la longueur du délai, elle lui permit de l'entretenir de sa passion, le maître, et de la fortifier en parlant. Jacques, quelle femme, quel diable de femme! Notre hôtesse, ma frayeur redouble.